Les nuits blanches s'accumulent car mon sommeil devient pour moi une phobie. Le soir j'entends le son du verre qui se casse et des instants de folie. J'enfile ma veste, oublie ma garette si dans mon standard. J'oublie pas mes papiers car sur le 17 y'a du monde au standard. Minuit passé pour les dealers, c'est l'heure de la paix. Dans ce Mondiaco Monopoly que t'imagines résider rue de la paix sur style de France. La jeunesse rame et les keufs capitulent comme Ripa pour la France. Le rap pour moi est devenu capital. Ça se décapite, ça perd la tête, ça dégarpille, ça me fait de la peine. Fais pas péter le champagne, niveau soucis, la coupe est pleine. Eh ouais, tout le monde se plaint, Paris 18 ça porte plainte. J'rappe mes complaintes avec la haine, il faut qu'on perce. Mais toutes les portes se blindent. Des comptes en banque anorexiques, on veut le jackpot à fond sur la traîtrise. Et Maya, un Judas sur chaque porte. J'arpote les rues de Paris, histoire de faire le vide. Et même si je rentre chez moi, les yeux bandés, les sirènes servent de guide. Défoncé à l'alcool depuis un bail, la même impasse. Les mêmes mecs qui blaguent, au résultat, le même impact. Je voulais que les gens savent que je serais une légende style. Notorious Big, mais je n'ai que des droits dans les gencives. Dépourvu de style, Maya, j'ai pas pris le rap pour jouer. Objectif bourgeois, dur de compter le nombre de poches jouées. On rêve de strass, meuf sans stress et sans souci. La France a toujours été fort pour faire foncer les sourcils. J'ai fait le constat et je trouve ça qu'on constate. Costard et les grosses plaquettes, je ris faire le gros connard. Je pourris lentement dans ma routine, la laine de nicotine. Alcoolite, alcoolique, je roule un joint pendant que nicotise. Ça pète comme en Corse, ça se corse. Puis de l'arbre du hip hop, j'aurais kiffé être l'écorce. Nico, faut se bouger, je te jure, ça craint. Mon âme se meurt et mon corps fond dans ce décor urbain.